Marie d'Agreda, la cité mystique de Dieu, la fuite en Égypte. Chapitre 29. La très sainte mère met la tunique sans couture à l'enfant Jésus, et elle le chausse, et ce que cet adorable Seigneur faisait. La très prudente mère voulant mettre à son très doux fils la tunique tissue, les caleçons et les sandales qu'elle avait préparées, s'agenouilla devant sa majesté, et lui parla en ces termes. Suprême Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, j'aurais souhaité de vous habiller, s'il eût été possible, selon la dignité de votre divine personne, j'aurais également voulu que les vêtements que je vous apporte eussent pu être faits des fibres de mon cœur, mais je crois qu'ils seront de votre goût, parce qu'ils sont pauvres. Pardonnez, Seigneur, les fautes que je puis avoir commises en m'occupant de ces ouvrages, agréez l'affection d'une créature aussi inutile que la cendre et la poussière, et donnez-moi la permission de vous habiller. » L'enfant Jésus accepta les offres et les hommages de sa très pure mère, et aussitôt elle l'habilla, le chaussa, et le mit sur ses pieds. La tunique se trouva juste à sa mesure, assez longue pour lui couvrir les pieds, s'entraînait pourtant, et les manches lui arrivaient jusqu'à la moitié de la main, quoiqu'on ne lui eût pris aucune mesure auparavant. Le col de la tunique était rond, fermé par devant, un peu haut, et presque juste à la gorge, et c'est pourquoi la divine mère commença à la mettre par la tête de l'enfant, sans l'ouvrir, parce que ce vêtement se prêtait à toutes les formes avec une merveilleuse souplesse, suivant la volonté de notre auguste reine. Il ne le quitta jamais, jusqu'au moment où les bourreaux le dépouillèrent pour le fouetter et ensuite pour le crucifier, parce qu'il s'agrandissait toujours, autant qu'il était nécessaire, selon la croissance de son corps sacré. Il en arriva de même aux sandales et aux caleçons que la soigneuse mère lui mit, de sorte que rien ne s'usa et ne vieillit pendant 32 ans, et la tunique ne perdit ni la couleur ni le lustre qu'elle avait quand elle sortit des mains de notre grande dame. À plus forte raison peut-on dire qu'elle ne fut jamais ni souillée ni tachée, elle resta jusqu'à la fin absolument dans le même état. Le vêtement que le Rédempteur du monde quitta pour laver les pieds à ses apôtres, Jean 13, 4, consistait en une espèce de manteau qu'il portait sur les épaules, et que la Sainte Vierge fit aussi elle-même, après leur retour à Nazareth. Il s'agrandit successivement, comme la tunique, et il était tissu de la même manière et de la même couleur, quoiqu'un peu plus foncé. L'enfant, prince des siècles éternels, qui avait été depuis sa naissance enveloppé dans les langes et ordinairement entre les bras de sa très sainte mère, se tint donc debout. Il brillait d'une beauté ravissante, qui surpassait celle de tous les enfants des hommes, et les anges admiraient comment celui qui revêt les cieux de leur éclat et les champs de leur parure, avait choisi un costume aussi pauvre. Psaume 44, 3. Il marcha aussitôt en la présence de ses parents, sans être soutenu, mais cette merveille fut quelque temps cachée à ceux du dehors, parce que notre reine le prenait dans ses bras quand elle recevait quelque visite. La divine dame et son saint époux Joseph éprouvèrent une joie inexprimable lorsqu'ils virent ainsi marcher leur enfant, et lorsqu'ils remarquèrent sa rare beauté. La très pure mère l'allaita jusqu'à ce qu'il eût accompli 1 an et demi, après quoi elle le sevra, et dans la suite il mangea, mais toujours peu de choses, pour la quantité comme pour la qualité. Il se nourrissait au commencement de potage à l'huile et de fruits, ou de poissons, et, tant que dura sa croissance, la Vierge Mère lui donnait 3 fois à manger par jour, comme auparavant elle lui donnait la mamelle, le matin, un peu après midi, et quand arrivait la nuit. L'enfant Dieu ne demanda jamais sa nourriture, mais la tendre mère avait le plus grand soin de la lui donner à temps, jusqu'à ce qu'étant déjà grand, il mangeait à la même heure que les divins époux, et pas plus souvent. C'est ce qu'il continua jusqu'à ce qu'il fût arrivé à l'âge parfait, comme je le dirai dans la suite. Et lorsqu'il mangeait avec ses parents, ils attendaient toujours qu'il donnait la bénédiction au commencement, et qu'il rendît grâce à la fin du repas. Du moment où l'enfant Jésus se mit à marcher, il commença à se retirer et à rester quelque temps seul dans l'oratoire de sa mère. Et comme notre prudente dame souhaitait de savoir si son très saint fils voudrait être seul ou avec elle, cet adorable Seigneur, répondant à son désir, lui dit « Ma mère, entrez et soyez toujours avec moi, afin que vous m'imitiez autant qu'il vous sera possible, parce que je veux que la haute perfection que je désirais pour les âmes soit réalisée et imprimée en vous. Car si elles n'eussent point résisté à ma première volonté, qui était portée à les remplir de sainteté et de dons, elle les aurait reçues avec abondance. 1 Timothée 2, 4. Mais le genre humain ayant empêché cette effusion de mes grâces, je veux que mon bon plaisir soit entièrement accompli en vous seul, et que les trésors de ma droite, que les autres créatures ont perdus, soient mis en dépôt en votre âme. Soyez donc attentive à mes œuvres, afin de m'imiter en elles. Notre auguste princesse fut par là établie de nouveau la disciple de son très saint fils, et dès lors il se passa de si profonds mystères entre deux, qu'il n'est pas possible de les raconter, et on ne les connaîtra qu'au jour de l'éternité. L'enfant Dieu se prosternait souvent par terre, quelquefois il s'élevait en l'air, les bras étendus, pour figurer la croix, et il ne cessait de prier le Père éternel pour le salut des mortels. La très amoureuse mère le suivait et l'imitait en toutes choses, parce que les opérations intérieures de l'âme de son très doux fils lui étaient manifestées aussi visiblement que les actes extérieurs du corps. J'ai parlé en divers endroits de cette histoire de la connaissance que la très pure Marie en eut, et il faudra bien que j'y revienne souvent, puisque ce fut de cette lumière et de cet exemplaire qu'elle tira sa sainteté, et ce lui fut une faveur si particulière, que toutes les créatures ensemble ne la sauraient expliquer, ni même comprendre. Notre grande dame ne jouissait pas toujours des visions de la divinité, mais elle eut toujours celle de l'humanité et de l'âme très sainte de son fils, aussi bien que de toutes ses œuvres, et elle percevait d'une manière spéciale les effets qui résultaient en cette sainte humanité des unions hypostatiques et béatifiques, quoiqu'elle ne vit pas toujours en substance la gloire ni l'union. Mais elle connaissait les actes intérieurs par lesquels l'humanité honorait, glorifiait et aimait la divinité à laquelle elle était unie, et cette faveur ne fut accordée qu'à la Mère Vierge. Dans ces exercices, il arrivait souvent que l'enfant Jésus pleurait et suait du sang en la présence de sa très sainte mère, car cela eut lieu maintes fois avant l'agonie du jardin, et alors notre divine dame lui essuyait le visage, et, pénétrant son intérieur, elle y discernait la cause de cette tristesse, qui était toujours la perte des réprouvés et des ingrats aux bienfaits de leur Créateur et Rédempteur, et l'inutilité pour eux des œuvres de la puissance et de la bonté infinie du Seigneur. Quelquefois sa bienheureuse mère le trouvait tout resplendissant et entouré d'anges qui lui adressaient de doux cantiques de louange. Elle savait aussi que le Père éternel prenait ses délices avec son Fils unique et bien-aimé, Matthieu 17, 3. Toutes ces merveilles commencèrent dès que l'enfant Dieu fut en état de marcher, après avoir achevé sa première année, et elles ne furent découvertes qu'à sa seule mère, dont le cœur en devait être le dépositaire, Luc 2, 19, comme étant elle seule l'unique et l'élu, Cantique 6, 8, pour son Fils et son Créateur. Les actes d'amour, de louange, de respect et de reconnaissance par lesquels elle se joignait à l'enfant Jésus, et les prières qu'elle faisait pour le genre humain, tout cela surpasse ma portée, et je suis incapable de dire ce que j'en conçois. Ainsi je m'en remets à la foi et à la piété des chrétiens. L'enfant Jésus croissait à l'admiration et à la satisfaction de tous ceux qui le connaissaient. Et ayant atteint sa sixième année, il commença à sortir quelquefois de la maison pour aller dans les hôpitaux et visiter les malades et les nécessiteux, qu'il consolait et qu'il fortifiait dans leurs afflictions d'une manière toute mystérieuse. Il était connu de beaucoup de monde dans Héliopolis, et il s'attirait tous les cœurs par l'influence de sa divinité et par sa sainteté. Plusieurs personnes lui portaient des présents, et selon les raisons et les motifs que lui révélait sa science, il les recevait ou il les refusait, et dans le premier cas il les distribuait aux pauvres. Mais ses paroles pleines de sagesse et ses manières si modestes et si majestueuses causaient tant d'admiration, qu'on venait de toutes parts féliciter et bénir ses parents de ce qu'ils avaient un tel fils. Et quoique le monde ignorât en tout cela les mystères et la dignité du Fils et de la Mère, néanmoins le Seigneur de l'univers, voulant honorer sa très sainte Mère, faisait qu'on la révérait en lui et pour lui autant qu'il était alors possible, sans qu'on connût la raison particulière qu'on avait de lui rendre à lui-même le plus grand honneur. Beaucoup d'enfants d'Héliopolis s'associaient avec notre aimable enfant Jésus, comme il est ordinaire à ceux du même âge et de la même mise. Et comme ils n'avaient pas assez de discernement pour juger s'il était plus qu'homme, ni assez de malice pour empêcher la lumière, le maître de la vérité l'accordait et la distribuait à tous ceux qu'il était convenable. Il les instruisait à la connaissance de la divinité et des vertus, et leur apprenait le chemin de la vie éternelle, plus fréquemment qu'à ceux qui étaient dans un âge plus avancé. Et comme ces paroles étaient vivantes et efficaces, Hébreux 4, 12, il les attirait, les mouvait et les leur imprimait dans le cœur d'une telle sorte, que tous ceux qui eurent ce bonheur devinrent dans la suite de grands saints, parce qu'ils donnèrent avec le temps le fruit de cette semence céleste, répandu de si bonheur dans leurs âmes, Luc 8, 8. La divine mère avait connaissance de toutes ces œuvres admirables, et lorsque son très saint fils venait de faire la volonté de son Père éternel, en s'occupant des brebis qu'il lui avait recommandées, Jean 6, 38, 39, cette auguste reine des anges, se trouvant seule avec lui, se prosternait pour lui rendre des actions de grâce du bien qu'il faisait à ses petits innocents, qui ne le connaissaient pas pour leur Dieu véritable, et elle lui baisait les pieds comme au souverain pontife du ciel et de la terre, Hébreux 4, 14. Elle faisait la même chose quand l'enfant sortait de la maison, et alors sa majesté la relevait de cette humble posture avec un empressement tout filial. L'amoureuse mère lui demandait aussi sa bénédiction pour toutes les œuvres qu'elle faisait, et jamais elle ne perdait l'occasion de pratiquer tous les actes de vertu avec toute la ferveur et la force de la grâce. Loin de la laisser oisive, elle agit toujours avec toute la plénitude possible et avec un accroissement continu de nouvelles grâces. Cette grande âme ne faisait que chercher les moyens de s'humilier, adorant le Verbe incarné par de très profondes génuflexions, par des prosternations expressives, et par d'autres cérémonies dignes de sa sainteté et de sa sagesse. Et en tout ceci, sa conduite était si admirable, qu'elle ravissait les anges qui l'assistaient, De sorte qu'en chantant alternativement les divines louanges, il se disait, quelle est cette pure créature si agréable à notre Créateur et son Fils? Cantique 8, 5. Quelle est celle qui se montre si ingénieuse et si sage dans le culte d'honneur et de respect qu'elle rend au Très-Haut? Qu'elle nous surpasse tous par son zèle incomparable, par ses soins et par sa diligence. Le plus beau, le plus ravissant des enfants prenait un air plus sérieux à l'égard de ses parents à mesure qu'il avançait en âge, de sorte que quelque temps après qu'il fut sorti du maillot, les caresses plus tendres auxquelles il ne s'était jamais livré qu'avec la retenue que j'ai fait remarquer, cessèrent. Et la réserve que ses parents avaient sur ce point venait de ce que sa divinité, quoique cachée, laissait percer sur sa physionomie une majesté telle, que s'il ne l'eût tempérée par une grande expression de douceur, elle leur aurait souvent inspiré une crainte si respectueuse, qu'ils n'auraient point osé lui parler. Mais l'amoureuse mère et Saint Joseph ressentaient de sa présence des effets efficaces divins, par lesquels ils découvraient en lui à la fois la force et la puissance d'un Dieu, et la bénignité, l'extrême bonté d'un Père. Dans cette majestueuse grandeur, il se montrait fils de la divine mère, et il traitait Saint Joseph comme celui qui avait le nom et l'office de Père. Ainsi il leur obéissait comme obéit à ses parents le fils le plus soumis, Luc 2, 51. Le Verbe incarné conciliait avec une sagesse infinie tous ces témoignages de dignité, d'obéissance, d'humilité, de majesté divine et d'affabilité humaine, donnant à chaque chose ce qu'elle demandait, sans que la grandeur du Dieu et la petitesse de l'enfant se gênassent ou se nuisissent. Notre auguste dame était très attentive à tous ces mystères, et elle seule pénétrait dignement, autant qu'il était possible à une simple créature, les œuvres de son très saint fils, aussi bien que l'ordre que sa sagesse infinie y gardait. Ce serait entreprendre l'impossible que de vouloir raconter les effets que toutes ces choses causaient dans son très pur et très prudent esprit, et montrer comment elle imitait son adorable fils, gravant en elle-même la vive image de sa sainteté ineffable. On ne saurait non plus dire le nombre des âmes qui se convertirent et se sauvèrent dans Héliopolis et dans toute l'Égypte, des malades qu'ils y guérirent et des merveilles qu'ils y firent pendant les 7 ans qu'ils y demeurèrent, tant la cruauté d'Hérode fut avantageuse à l'Égypte. La force de la bonté et de la sagesse infinie de Dieu est telle, qu'elle tire de grands biens même du mal et du péché, et si on le rejette en un endroit, et qu'on ferme les portes à ses miséricordes, il frappe à plusieurs autres, jusqu'à ce qu'on les lui ouvre et qu'on lui donne l'entrée, Job 34, 24. Parce que toutes les eaux de nos iniquités et de nos ingratitudes ne sauraient ni détourner le désir qu'il a de favoriser le genre humain, ni éteindre son ardente charité, Cantique 8, 7. Instruction que la très sainte Vierge me donna. Ma fille, vous avez appris, dès le premier ordre que vous avez reçu d'écrire cette histoire de ma vie, quand vous le donnant le Seigneur a voulu, entre autres fins, faire connaître aux hommes ce qu'ils doivent à son divin amour et au mien, tandis qu'ils vivent à cet égard dans une telle insensibilité et dans un tel oubli. Il est vrai que tout est compris et exprimé en deux mots, lorsqu'on dit qu'il les a aimés jusqu'à mourir sur la croix pour eux, Jean 3, 16, car ce fut là le dernier terme où les effets de son immense charité purent arriver, mais à beaucoup d'ingrats le souvenir de ce bienfait ne fait que causer une sorte de dégoût. Pour cela comme pour tous les autres ce sera un nouvel aiguillon que de connaître quelque chose de ce que sa majesté a fait pour eux pendant les 33 ans de sa vie mortelle. puisque la moindre de ses œuvres est d'un prix infini et mérite une reconnaissance éternelle. La puissance divine m'a rendu témoin de tout, et je vous assure, ma très chère fille, que, dès le premier instant qu'il fut conçu dans mon sein, il n'a cessé de prier le Père éternel pour le salut des hommes. Hébreux 10, 5. Il commença dès lors à embrasser la croix, non seulement par une simple affection, mais aussi d'une manière réelle, autant que possible, se mettant durant son enfance bien souvent en la posture de crucifié, et il continua ses exercices pendant toute sa vie. Je l'imitais en cela, et je l'accompagnais dans les œuvres et dans les prières qu'il faisait pour les hommes, à partir du premier acte de reconnaissance qu'il fit pour les bienfaits que son humanité très sainte avait reçus. Que les mortels considèrent maintenant si, ayant été moi-même témoin et coopératrice de leur salut, je ne viendrai pas aussi au jour du jugement attester combien la cause de Dieu est justifiée à leur égard, et si je ne refuserai pas avec beaucoup de justice mon intercession à ceux qui ont méprisé et oublié follement tant de grâces plus que suffisantes, étant défait du divin amour de mon très saint Fils aussi bien que du mien. Quelle réponse feront-ils? Quelle excuse allégueront-ils? Après avoir été si informé, si instruit et si éclairé de la vérité, comment pourront-ils compter, les ingrats et les obstinés, sur la miséricorde d'un Dieu très juste et très équitable qui leur a donné un temps précis et convenable, pendant lequel il les a excités, appelés, attendus et favorisés de bienfaits immenses qu'ils ont dissipés et perdus pour suivre la vanité? Craignez, ma fille, le plus grand des périls et des aveuglements, repassez souvent dans votre esprit les œuvres de mon très saint Fils et les miennes, et imitez-les avec toute la ferveur possible. Continuez les exercices de la croix selon l'ordre de vos supérieurs, afin que vous y trouviez ce que vous devez imiter et reconnaître. Mais sachez que mon Fils et mon Seigneur pouvaient racheter le genre humain sans souffrir tant de peines, et qu'il a voulu cependant les augmenter par l'amour immense qu'il a pour les âmes. La correspondance qu'exige une pareille bonté ne consiste pas à se contenter de peu, comme les hommes le font ordinairement par une ignorance fatale. Ajoutez, ma fille, une vertu et un travail à plusieurs autres, afin de vous acquitter de vos obligations, et partager avec mon Seigneur et moi ce que nous avons souffert dans le monde. Unissez tout ce que vous ferez à ses mérites, et offrez-le au Père éternel pour les âmes. Extrait du livre 4e, tome 3, Pousielgue Rusan 1857, markemdanarchive.org 2023, d'après Books Google FR et Archive.org, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.